swimming fountains, fascination, water wells inside, hellbound rage, on the devil's bridge, on the pale planet far below, far too sure, far too gone now. Lettered up inside to the snow, we march, we're in out of time, and just stay in line. Question of time, that you can forgive. Tell me, she's reached a point of no return. I hope you enjoy, watch me crash and burn. Cause now you've gone too far. betrayal is the gift of life. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Je suis Shooter. Je suis Blacklight. Je suis Danse Lassive. Je suis 100 décibels. Je suis périmé dans 6 mois. Je dure 2 semaines. Je suis fini dans 3 mois. Je ne suis plus valide dans 1 mois. Je suis désuet dans 120 jours. Je suis brisé dans 3 jours. Je suis dans le monde de la pub. La nature a horreur du vide. Une création définissant du Conservatoire d'art dramatique de Québec du 23 février au 2 mars. Le Chichio Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Chichio Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédélique, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'Opineur du Chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. Wow! La croche-oreille est enfin de retour! Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin explorent l'univers fascinant de l'art audio. Aiguisez vos oreilles, ça va chauffer dans l'ouïe, ça va blirer dans l'aise. L'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Et nous sommes de retour et ce deuxième bloc s'est terminé avec ce que je vous disais Isos, mais en réalité le nom complet c'est Vincent Leboeuf Gadros Isos. Donc c'est plus ou moins un album solo là, de Vincent Leboeuf qui fait partie de Inner Odyssey. Et sur ce disque-là, les crédits sont donnés à Vincent Leboeuf, évidemment, avec les autres musiciens comme invités. Et parmi ceux-ci, ben, on retrouve la plupart des membres de Inner Odyssey comme invités. Et juste avant, on avait The Watch, avec une pièce qui se nomme Devil's Bridge. Et ça fait partie d'un disque qui est très, très bien reçu. Track from the Alps. Quand on cherche un peu sur Internet, on voit beaucoup de critiques positives et Prog Archive, c'est l'album qui est le mieux coté. Pas très long par contre, moins de 40 minutes, mais c'est disons un 37 minutes là, qui est plutôt bien rempli. On avait débuté avec Eloy. Et on va poursuivre avec Fromuse. Un drôle de nom, mais quand on analyse un peu, Fromuse, c'est une abréviation de From Uzbekistan. Et c'est un pays, je pense que ça fait partie de l'Asie, là, c'est proche du Pakistan. Et ces musiciens-là font d'habitude une musique qui est assez complexe et quand même relativement accessible. Ils ont déjà un certain nombre de disques à leur actif. J'en ai déjà fait jouer. Celui-là, il s'appelle Sodom and Gomorrah. Musique qui a été composée par un des membres du groupe. En fait, c'est plus ou moins une trame sonore. Puis apparemment qu'il y a une chorégraphie qui va avec ça. Évidemment, on n'a pas la chose, on peut juste juger de la musique, et c'est une douzaine, en fait c'est 14 pièces là, qui sont enchaînées pour un total de 52 minutes 45, Et la plupart des pièces sont relativement courtes. Et c'est, disons, je dirais peut-être un petit peu moins complexe que ce que ce groupe-là nous a habitués. C'est peut-être moins technique. On va entendre une pièce qui est un petit peu plus punchée, qui s'appelle Folly of Mob. On va poursuivre ça avec un très, très bon groupe italien qu'on connaît déjà ici, qui s'appelle La Cosenza di Zeno. Ce groupe-là commence à faire du bruit un peu, et d'ailleurs, dans Progressiste, il y a une entrevue avec ce groupe-là. Et une des remarques qu'on passe, c'est à propos d'Internet, l'objectif « culture rapide pour tous » n'est rien de plus que l'émergence d'une sorte d'analphabétisme où tout le monde connaît un peu de tout, mais très peu de personnes maîtrisent un sujet en profondeur. Effectivement, c'est la culture rapide, c'est tout en surface, mais rien en profondeur. Et on va continuer avec un groupe suédois qui s'appelle EF, tout simplement, avec un disque qui s'appelle Ceremonies, et c'est d'ailleurs extrait d'une compilation progressiste qui vient toujours avec le numéro. Dans ce cas-ci, c'est le numéro 75. Et on débute avec Fromuse. Thank you.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. 89.1. C'est KRL. Québec. Au cœur du Vieux-Port, à quelques minutes du centre-ville, vous trouverez la boutique Écoauthentique. Il y a chez Écoauthentique un vaste choix de produits faits de matières recyclées, renouvelables, biologiques et équitables. Bref, des produits qui respectent la nature et les gens. Nous vous offrons également la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Venez nous rencontrer tous les jours de 11h à 17h. Écoauthentique, 160 rue Saint-Paul, écoauthentique.com. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez Arthur l'aventurier en Afrique, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, Atelier Académie Cinéma, Atelier de bruitage, Atelier de science avec Martin Carly, Atelier Squeeze, Au bonheur des ogres, Le coq de Saint-Victor, Ernest et Célestine, Évangélion 1, 2 et 3, le film Lego, La légende de Sarila, Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, Mon tonton ce tatoueur tatoué, Oggy et les cafards, L'ours montagne, Le piano magique, programme court-métrage FCEQ 2014, programme Kino-Québec, secondaire 5, Vincent et moi. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 4373, labarberie.com. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat au Théâtre de la Bordée, au 315 rue Saint-Joseph-Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Et c'est Terra Incognita pour le dernier bloc. Et on a terminé avec F, un groupe suédois, EF, avec un album qui s'appelle Ceremonies. Et cet extrait-là, là, qui s'appelle Yield, Heart Yield, c'est disponible sur le CD sampler de Progressist numéro 75. Et juste avant, c'était La Cosenza di Zeno, et on avait débuté avec From Muse. Et je vous rappelle que nous sommes disponibles en podcast si vous avez manqué une partie de l'émission ou si vous voulez la réécouter. Et la liste des pièces qu'on fait jouer est disponible aussi sur le site internet de Terra Incognita. Juste à chercher ça dans Google et vous allez arriver ou encore il y a des liens avec la radio de CKRL. Et justement, CKRL va être en Radioton, le Radioton 2014 qui aura lieu au mois d'avril, le 4, 5 et 6 avril. Donc, il n'y aura pas d'émission pour nous le 5 avril parce que c'est le Radioton. Et il y a deux façons de contribuer, c'est-à-dire de faire un don pré-Radioton de 20$ et plus ou la relance du membership. Le membership est à 25$. Donc, c'est un geste de soutien envers une radio que vous aimez. Et ça vous permet aussi de gagner un prix de 150$ au Pédalier ou aussi 150$ chez Sion le disquaire. Et bon, pour ce dernier bloc, on va écouter une pièce de Transatlantique extraite de Kaléidoscope, pas une pièce de 25 minutes. Cette fois-ci, on va y aller avec une plus courte qui s'appelle Black as the Sky. On va poursuivre ça avec Haze, le groupe anglais qui avait sorti un 30e anniversaire. On va écouter la pièce Mirage et une courte pièce de Curlspin et on revient par la suite. the sky in the broad light. At the end of the road, hear the darkness unfolds. Keep your eye on the light. very much. C'était une courte pièce de Curse Pink, extrait de leur dernier album qui s'appelle Mystic Spirit. Et la pièce s'appelle The Last Journey, Ode to Justin. Et c'est dédié à Justin Hansen, le bassiste d'origine qui est décédé en 2010. Et c'est quelque chose qu'on a appris seulement que récemment. C'est pas une grande vedette, malheureusement. Un très, très bon disque que je vous conseille fortement. Juste avant, c'était le groupe anglais Haze avec un album live qui célébrait le 30e anniversaire du groupe. Et on avait débuté avec Transatlantique. Et c'est déjà presque terminé. Je vous rappelle que dans à peu près un mois, ce sera The Watch à la chapelle, au Centre d'art La Chapelle, les 3, 4 et 5 avril, et les billets sont en vente au Centre d'art La Chapelle, et aussi les billets pour la convention Terra Incognita, 3 soirs cette fois-ci, sont en vente également avec en vedette Is le vendredi soir, de la Samur le samedi, et Fabio Zuffanti le dimanche, et ça c'est seulement que les vedettes. Il y a d'autres groupes qui s'ajoutent, plusieurs sont confirmés sur le site de Terra Incognita. Et c'est déjà presque la fin. On va vous laisser avec Jacques et Vincent pour l'autoroute. Mais juste avant, on va écouter une pièce de Conspiracy. En fait, c'est un duo, Chris Quarra et Billy Sherwood, encore Billy Sherwood. Et c'est en spectacle. Et c'est une réédition sur Purple Pyramid. Et c'est réédité avec un DVD en bonus. Ce qu'on va entendre, c'est « Hold out your hand, you by my side ». Et originellement, c'était une pièce de Chris Quarra sur son très, très bon disque de 1975, « Fish out of water ». Merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Et on vous laisse sur ces notes de musique. Bruno et Jean-François vous disent bonne semaine. Yeah.